Chose due, je suis avec Stéphane Corriveau du Bateau pour Gaza Canada. Bonjour, M. Corriveau. Oui, bonjour. Alors, pouvez-vous décrire un peu, c'est quoi le projet là, de Bateau pour Gaza Canada là, qui se prépare présentement? Bien, tout ça vient du fait que la situation à Gaza est vraiment terrible. Hein? Gaza a été transformé par le gouvernement israélien comme une espèce d'immense prison à ciel ouvert là, où il y a 1,5 million de personnes qui vivent là dans des conditions hyper déplorables où 80% d'entre eux littéralement mourraient de faim s'ils bénéficiaient pas d'un peu d'aide alimentaire qui arrive au compte-gouttes. Il y a des problèmes d'approvisionnement en termes de médicaments, en termes de matériel scolaire. Et tout ça, c'est là depuis plusieurs années, depuis 4 ans concrètement. Puis il y a 2 ans, ça a été largement amplifié par une invasion militaire que les Israéliens ont fait, qui ont appelé l'opération Plomb durci, là, où il y a presque 1500 personnes qui ont été tuées, et puis une bonne partie des infrastructures. Puis là, je parle de choses de base, là, comme la génération, la centrale électrique, des hôpitaux, des écoles des Nations Unies, des systèmes de traitement d'eau pour avoir de l'eau potable. Fait en sorte que la situation est extrêmement difficile parce qu'ils peuvent pas rentrer de rien pour réparer ce qui a été détruit. Les agriculteurs peuvent plus cultiver leurs terres. Il y a eu des mines qui ont été mises et puis les Israéliens ont décrété une zone d'exclusion de plusieurs kilomètres à partir de la frontière. Mais il faut comprendre que Gaza, c'est tout petit, là, hein? C'est 1,5 million de personnes, mais c'est à peu près la grandeur de 3 rivières. Alors, les zones agricoles, il n'y en a pas tant que ça. Puis là, ben la plupart de ces zones-là ont été transformées en zones en no man's land. Les pêcheurs, parce que ça donne sur la mer, la Méditerranée, ont plus le droit d'aller à la pêche. Et ainsi de suite. Donc, les gens sont littéralement dans une prison. C'est la meilleure comparaison qu'on peut faire. Et ça constitue une violation très claire des droits, des lois internationales puis des droits de la personne. Tous les groupes qui se sont penchés là-dessus, que ce soit le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge, arrivent à cette conclusion-là. Et donc, l'idée, c'est de briser le blocus, qui est un blocus illégal et immoral. Alors, c'est d'organiser il y a une vingtaine d'initiatives à travers le monde, semblables à la nôtre. Des Français, des Anglais, des Irlandais, des Suédois, des Allemands, des Danois, des Néerlandais, des Italiens, des Suisses, des Algériens, des Espagnols, la liste est assez longue, qui s'organisent pour avoir un navire chacun. Et tous ces navires-là vont se coaliser ensemble en mer Méditerranée et essayer de franchir le blocus que l'armée israélienne donne. Évidemment, sur les navires, il n'y aura aucune arme, il n'y aura personne avec ni fusil, ni bâton, ni canon, ni missile, ni rien. Tout ce qu'il va y avoir dans les bateaux, c'est des médicaments, c'est du matériel scolaire, c'est du matériel de reconstruction pour à la fois démontrer 3 choses dans notre cas précisément. D'une part, briser le blocus concrètement. Dire aux Israéliens, nous n'acceptons pas que vous posiez un geste illégal de cette nature-là, que vous torturiez une population civile pour la défense de ses droits et de ses intérêts, qui n'accepte pas l'occupation militaire. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est un message à l'endroit des Palestiniens directement. Leur dire, écoutez, l'humanité vous a pas oublié. Il y a plein de gens dans le monde qui veulent poser un geste de solidarité concret puis vous aider, puis qui ne tolèrent pas l'oppression que vous vivez. Et concrètement, au Canada, on a un troisième message, un message à l'endroit de M. Harper, qui est le premier ministre, et qui, depuis quelques années, arrête pas de faire des déclarations incendiaires dans ce dossier-là, où il dit le Canada est le meilleur ami d'Israël, le Canada va soutenir Israël coûte que coûte, quoi qu'il se passe, et qui, là, tient des discours complètement manichéens, où il parle, où il dit, il y a quelques semaines, il a fait une déclaration en disant c'est un débat entre le bien et le mal, et le bien est incarné par les Israéliens. On penserait entendre George Bush qui parlait dans ces termes-là quand il a déclenché la guerre en Irak. Donc là, il faut ramener le gouvernement canadien à la raison un petit peu. Alors, d'avoir un bateau canadien qui va aller faire poser ce geste-là démontre qu'il y a, plein de citoyens et citoyennes d'ici, d'organisations. Alors, on parle de projet de bateau jusqu'à maintenant, on a reçu l'appui de plusieurs milliers d'individus et de plus d'une centaine d'organisations coast to coast. Des gens de toute confessionnalité, donc il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des gens à la fois du mouvement syndical, du mouvement populaire, des organisations communautaires de toutes sortes, du mouvement pour la paix, des groupes de citoyens qui voient ce projet-là et qui disent « oui, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe à Gaza, et ça n'a pas de bon sens la position du gouvernement canadien, donc nous, on va appuyer ça ». Alors, l'idée, c'est donc d'avoir au-delà d'une quinzaine de bateaux, parce qu'il y a plus de pays, mais il y a certains pays qui ont décidé de faire des projets communs, d'avoir une quinzaine de bateaux qui vont aller ensemble franchir le blocus. Et là, est-ce qu'on dit franchir le blocus ou on dit tenter de franchir le blocus? Parce que la dernière fois qu'on a eu, en tout cas la fois que ça a été très médiatisé récemment, le blocus n'a pas réussi à être percé. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'armée israélienne décide d'agir cette fois-ci comme ils ont agi la dernière fois, il est possible qu'on ne réussisse pas à franchir le blocus. Mais notre bilan, c'est que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'accepte pas de se laisser intimider. Alors, j'espère que l'armée israélienne et le gouvernement israélien vont être plus intelligents, puis vont laisser les bateaux se rendre jusqu'à Gaza puis livrer leurs marchandises humanitaires. S'ils ne le font pas, ben il y aura des conséquences politiques puis des dénonciations, puis le masque de leur soi-disant démocratie, qui est un mensonge de A jusqu'à Z, va tomber à ce moment-là encore une fois. On espère qu'ils vont avoir plus de bon sens puis qu'ils vont tolérer le fait que les bateaux passent. Mais bien sûr, le seul qui peut vraiment répondre à cette question-là, c'est M. Benjamin Netanyahou, qui est le premier ministre d'Israël. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va aligner nos 12 bateaux côte à côte. On va mettre le cap pour Gaza et on va partir les moteurs. Ensuite, quiconque va nous dire « vous n'avez pas le droit d'y aller, on ne veut pas vous y aller, on est contre votre venue », si c'était les Palestiniens eux-mêmes qui nous le disaient, on dirait « ok, vous n'avez pas besoin de nous », mais c'est pas vrai. Les Palestiniens nous demandent de venir, nous encouragent à continuer dans notre projet, puis disent qu'ils ont besoin de notre aide. Alors nous, le signal, c'est « on avance », si l'armée israélienne décide d'intervenir, ben ils interviendront. On annonce clairement qu'on ne va avoir aucune forme d'arme, qu'il y aura pas, tu sais, on n'a pas l'intention de se battre avec les soldats israéliens s'ils prennent les vaisseaux, les bateaux d'assaut. Mais notre position à nous, c'est que la chose qui compte, c'est le respect des droits humains puis le respect des droits internationaux. Et à tous ces niveaux-là, l'arrestation de la dernière flottille par l'armée israélienne contrevenait à la fois aux droits humains et aux droits de la mer, aux droits de la navigation. C'est un acte de piraterie qui a été fait. L'armée israélienne s'est attaquée en eau internationale. Ce n'était pas les eaux nationales israéliennes, ni même les eaux internationales palestiniennes, par aucun accord. On était à plusieurs dizaines de kilomètres de distance encore de cette zone territoriale-là qui pourrait être, entre guillemets, contestée. Mais là, il n'y a même pas de contestation là-dessus. Ils sont aller à l'assaut avec des hélicoptères, avec des commandos qui tiraient de la mitraillette en descendant de leur hélicoptère, avec des navettes remplies de petites navettes qui ont attaqué les différents navires. Ils étaient appuyés par des destroyers. C'est vraiment été un grand, grand déploiement de force par l'armée israélienne. Mais c'est aussi important de dire que nous, on ne se laissera pas intimider par ce genre de comportement à la cowboy-là. Tu sais, quand il y a du taxage dans une cour d'école, on dit pas, ben on ferme les yeux puis on laisse on laisse les gros bras de la cour d'école casser les jambes aux petits puis faire de l'intimidation. On prend les mesures qu'il faut pour rétablir un minimum de respect, un minimum d'ordre. Dans ce contexte-là, nous, on pense pas que la bonne solution ce soit d'y aller avec plus d'armes puis plus de canons que les Israéliens. On gagnerait pas de toute façon. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre de l'avant une logique de respect, de justice et de dans une approche pacifique. Alors, il y aura pas d'armes de notre côté, il y aura pas de résistance violente, mais on n'a pas l'intention de se laisser intimider. On va aller jusqu'au bout de ce geste-là. Et là, c'est qui les gens qui vont faire partie de ces équipages de bateaux-là? Donc, les Canadiens qui vont être à bord du bateau de ceux qui s'en vont vers Gaza, c'est qui ces gens-là? Concrètement, il va y avoir une combinaison d'individus qui vont venir de différents endroits. Alors, on a essayé de partager la liste avec des gens qui... puis là, on n'a pas encore dévoilé la liste officielle, ça s'en vient dans quelques semaines, mais il va y avoir, grosso modo, un tiers de personnalités, c'est-à-dire des leaders sociaux, communautaires, qui viennent de la scène culturelle ou de la scène politique, de la scène des représentants de différentes communautés qui sont connues par le public. On espère avoir jusqu'à un tiers de représentants du monde médiatique qui vont être là pour documenter, parce que nous, quand on dit qu'on veut le faire de manière non-violente, on est tout à fait engagé là-dedans, puis on veut que ça se sache qu'on va être non-violent. Puis s'il y a de la violence, on veut que ce soit documenté aussi, puis qu'on sache qui a posé ces gestes de violence-là. Donc, on espère qu'il va y avoir un tiers de représentants des médias et un tiers de gens qui sont des gens qui sont actifs dans le mouvement de solidarité avec la Palestine depuis un certain temps et qui vont, au retour de l'expédition, être en mesure de porter témoignage et d'informer, de continuer à travailler et à sensibiliser la population à cette situation-là. Alors, ça, c'est les trois grands groupes. On espère, bon, évidemment, comme c'est un projet qui est à nature pan-canadienne, il va y avoir des gens qui vont venir de toutes les régions du Canada. On peut avoir une représentation équitable, hommes-femmes, des gens des différents réseaux sociaux, donc le mouvement syndical, les organisations communautaires, les organisations à caractère religieux, les organisations de différents réseaux. On veut représenter là, donc un échantillonnage intéressant de la société. Et là, la dernière flottille qui est partie et qui a eu là, justement l'altercation avec les forces israéliennes, la composition, ça ressemblait à ça, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, on dit que c'est des journalistes, c'est des personnalités publiques et des militants pour la paix, finalement, donc pour le respect des droits humains, qui apportent des médicaments, des matériaux vers la bande de Gaza et ils se font attaquer par l'armée israélienne. Exactement. C'est un scandale. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. C'est à s'arracher les cheveux de sa tête. Et c'est pour ça que nous, on dit on peut pas laisser faire ça. Il faut que la société démontre et dénonce cette situation-là. La lutte pour... ça devient une lutte, là, mais l'engagement pour les droits humains puis l'engagement pour le respect des individus puis des collectivités, ça peut pas être juste une affaire qu'on dit dans des conférences. Il faut qu'il y ait mané avec des gestes concrets. Quand il y a des agressions qui sont faites, il faut qu'il y ait une réponse. Une réponse intelligente, une réponse pacifique, mais il faut qu'il y ait une réponse. On ne peut pas juste fermer les yeux, tourner la tête, se boucher les oreilles et dire « ça n'existe pas ». Ça a eu lieu et ça a lieu tous les jours parce que dans les faits, oui, l'expédition, ça fait presque un an maintenant, la dernière expédition, mais tous les jours, les gens qui vivent dans la bande de Gaza, eux, supportent le fait que qu'il n'y a pas moyen d'amener de l'aide. Puis il faut comprendre que, en fait, les Palestiniens de la bande de Gaza sont pas dans une situation comme, par exemple, à Haïti, ou ailleurs, où les gens meurent, il y a des plein de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les bons soins, ils ont des problèmes alimentaires, tout ça, mais c'est pas provoqué par un tremblement de terre, c'est pas provoqué par un tsunami, c'est pas un nuage de sauterelles qui est venu manger les récoltes. C'est un choix politique délibéré. Le gouvernement israélien dépense des dizaines de millions de dollars pour entretenir le blocus, paye des milliers de soldats, achète des tanks, des bateaux de guerre, des avions de guerre, c'est tout ce qui va avec, là, pour rendre misérable cette population-là. Alors, c'est très facile de régler le problème de la qualité de vie chez les Palestiniens. C'est juste d'arrêter de dépenser de l'argent pour faire la guerre. T'sais, c'est vraiment une question de choix. C'est pas, on n'est pas confronté à une fatalité, là. On est confronté à une décision qui est méchante de la part du gouvernement israélien de faire ça. Alors, le départ est prévu pour la fin mai. On parle de la flottille de la Liberté 2, en fait, qui est notre prise 2, finalement, de la flottille de la Liberté. Est-ce que vous anticipez ou est-ce que vous espérez faire partie de ce voyage? Oui, à titre personnel, je suis parmi ceux qui ont posé leur candidature pour faire partie de la délégation qui va être à bord. Il y a des bonnes chances, là, comme je suis un des organisateurs, que j'en fasse partie. La sélection finale, comme je vous disais, n'est pas encore complètement terminée, puis on n'a pas encore dévoilé les gens. Dans les semaines qui viennent, ça va être fait. Oui, j'espère faire partie du bateau. Et d'un point de vue, j'imagine, vous l'anticipez, ce départ-là, vous devez y penser des fois. Ça fait-tu peur? Moi, j'imagine, j'ai vu les images là, de la dernière flottille pour la paix, puis c'est un pensez-y bien, là. Oui, effectivement, vous avez raison. Puis oui, pour parler en termes très, très simples, si ça me faisait pas peur, je serais un peu fou. Il y en a qui diraient que je suis quand même un peu fou, mais ce sera pas pour ça. Alors, ça me fait peur, mais encore une fois, à un moment donné, il faut être capable de se tenir debout face à ces principes. Et puis, c'est ça, les mesures de sécurité que nous, on veut prendre, c'est essentiellement à travers la transparence. Je veux dire, le gouvernement israélien, par exemple, quand il y a eu l'enquête sur l'attaque, refusé de collaborer avec l'enquête des Nations Unies en prétendant qu'ils avaient leur propre processus. Alors, nous, au contraire, ce qu'on veut, c'est des médias. On veut rendre le plus transparent possible les événements. On veut démontrer qu'on est en toute dans une attitude qui n'est pas une attitude violente, qui n'est pas une attitude qui est menaçante physiquement pour les Israéliens, pour qui que ce soit. Alors, on espère qu'on va générer un mouvement de solidarité suffisamment vaste pour faire en sorte que les Israéliens hésitent avant de poser des gestes là, qui soient qui aient des conséquences graves à la fois pour certains individus, puis concrètement, on veut pas qu'il y ait de mort, on veut pas qu'il y ait de blessés, on veut pas qu'ils posent ce genre de gestes-là. Alors, on s'annonce longtemps d'avance, ils pourront pas dire que c'est une surprise. Et puis, on annonce le contenu, puis avant de partir, les bateaux vont être inspectés par des inspecteurs internationaux neutres qui vont témoigner du fait que à bord des navires, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de gun, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de rien qui ressemble à ça. C'est des médicaments et du matériel scolaire. Excellent. Et là, le départ est prévu pour la fin mai présentement. J'imagine que d'ici là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des sommes, il y a des montants à ramasser, etc. Comment ça s'organise? Oui, c'est d'abord, les gens peuvent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur un site web. Donc, c'est très facile. Ça s'appelle bateaugaza, en un seul mot, .ca. Donc, bateaugaza.ca. Là, il y a toutes les informations techniques, y compris sur la manière de faire un don. C'est très, très simple. Vous pouvez faire un don par PayPal sur le site ou si vous voulez faire par carte de crédit ou par chèque. Là, toutes les informations sont là. Je sais aussi que les gens du Comité de solidarité de Trois-Rivières, le fonds de charité du comité, recueillent des dons en faveur du projet. Alors, c'est bien apprécié. On a effectivement eu jusqu'à maintenant un succès assez important pour le projet. On a recueilli presque 200 000 $ de dons individuels parce que c'est pas des groupes jusqu'à maintenant qui ont payé pour le projet. Là, c'est en pratique, c'est des individus qui font des dons à coût de 25, 50, 100, et certains dons plus généreux, là, jusqu'à 1 000, 2 000 Donc, on a ramassé 200 000 $ mais pour faire l'opération, donc avoir un bateau, payer l'essence à bord du navire, mettre du matériel dans le bateau, tout ça, on parle d'une opération qui va nous prendre au minimum 300 000 $ Donc, il nous reste quelques mois pour ramasser 100 000 de plus. On a confiance qu'avec l'appui des citoyens et des citoyennes, les auditeurs de votre émission, entre autres, on est capable d'aller chercher la somme qui nous manque pour être capable là, d'avoir un bateau rempli de marchandises et avec des gens qui vont amener un message de paix dans une région qui en a bien besoin. Parfait. Et en terminant, lorsque le bateau va partir à la fin mai, lorsque la flottille va se mettre en branle, est-ce qu'il va avoir moyen de suivre un peu le périple au jour le jour, savoir où ce que vous en êtes là-dedans? On veut absolument, dans le cadre de nos dépenses, comme un des objectifs, c'est de sensibiliser puis de faire connaître la situation au plus de gens. Il y a quelques milliers de dollars, c'est pas le gros du budget, mais c'est une petite tranche, pour avoir un lien satellite live à partir du bateau qui va nous permettre d'alimenter des sites web, de faire des entrevues radio, téléphoniques, peut-être même télévisées à bord du navire avec les médias qui seront intéressés à le faire. Ça fait que ça nous ferait plaisir de collaborer avec votre émission à ce moment-là et donc de garder le lien. Les Turcs, parce que le principal navire de la dernière flottille où il y a eu le plus de violence, c'est un navire turc qui est un très gros navire. Eux, il y avait un bateau où il y avait 400 passagers, avaient ça. Sur leur bateau. Malheureusement, au moment même de l'attaque, quelques minutes avant l'attaque, les Israéliens ont brouillé les signaux satellites. C'est comme une espèce d'affaire de James Bond. Là. Ils ont brouillé les signaux satellites pour empêcher les Turcs d'appeler à l'aide puis d'envoyer des images live de l'attaque qui a été faite. Heureusement, il y a plusieurs gens à bord du navire qui ont réussi par des moyens de bricolage d'urgence à cacher certaines des cassettes vidéo qu'ils ont filmées au moment de l'attaque. C'est comme ça qu'on a, en plus d'avoir les témoignages, on a des documents audio visuels qui permettent de montrer ce qui s'est passé à bord du navire. Les Israéliens sont très fâchés de ça, mais là, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont fâchés qu'on sache qu'est-ce qu'ils font. C'est peut-être parce qu'ils sont un peu gênés aussi de qu'est-ce qu'ils ont fait et on espère que ça va leur avoir servi de leçon, qu'ils ne poseront plus ce genre de gestes-là. Eh bien, merci beaucoup, M. Stéphane Corriveau, pour la flottille, pour la paix 2. Alors, on va suivre vos périples sur votre site bateaugaza.ca. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.